On se mit à table à la nuit tombante. Le dîner fut simple et assez court, contrairement aux usages normands. Une sorte de gêne paralysait les convives. Seuls les deux prêtres, le maire et les quatre fermiers invités montrèrent un peu de cette grosse gaieté qui doit accompagner les noces. Le rire semblait mort. Un mot du maire le ranima. Il était 9 heures environ. On allait prendre le café. Au dehors, sous les pommiers de la première cour, le bal champêtre commençait. Par la fenêtre ouverte, on apercevait toute la fête. Des lumignons, pendus aux branches, donnaient aux feuilles des nuances de vert de gris. Rustres et rustaudes sautaient en rond, en hurlant un air de danse sauvage, qu'accompagnaient faiblement deux violons et une clarinette, juchés sur une grande table de cuisine en estrade. Le chant tumultueux des paysans couvrait entièrement parfois la chanson des instruments. Et la frêle musique déchirée par les voix déchaînées semblait tomber du ciel en lambeaux, en petits fragments de quelques notes éparpillées. De grandes barriques, entourées de torches flambantes, versaient à boire à la foule. Deux servantes étaient occupées à rincer incessamment les verres et les bols dans un baquet pour les tendre, encore ruisselant d'eau, sous les robinets d'où coulait le filet rouge du vin ou le filet d'or du cidre pur. Et les danseurs assoiffés, les vieux tranquilles, les filles en sueur, se pressaient, tendaient les bras pour saisir à leur tour un vase quelconque et se verser à grands flots dans la gorge en renversant la tête le liquide qu'ils préféraient. Sur une table, on trouvait du pain, du beurre, du fromage et des saucisses. Chacun avalait une bouchée de temps en temps. Et, sous le plafond de feuilles illuminées, cette fête saine et violente donnait aux convives mornes de la salle l'envie de danser aussi, de boire au ventre de ses grosses futailles en mangeant une tranche de pain avec du beurre et un oignon cru. Le maire, qui battait la mesure avec son couteau, s'écria « Sacristi, ça va bien! C'est comme qui dirait les noces de ganache !» Un frisson de rire étouffé courut. Mais l'abbé Picot, ennemi naturel de l'autorité civile, répliqua « Vous voulez dire de cana ?» L'autre n'accepta pas la leçon. « Non, monsieur le curé, je m'entends. Quand je dis ganache, c'est ganache. »